Yeah. Wow. Okay. Yeah. Okay. Des fois je tombe de haut et des fois j'en bombe le torse. Souvent j'en parle en bien, mais souvent je parle morse. Toute cette fumée épaisse réconcilie nos cœurs. Avec elle j'ai pas peur, sauf pour le chemin inverse. Et faire un tour de bras à bras, c'est les pensées à casser des lancers de cette armée que j'ai semée à travers moi pour traverser un champ de ruines assombries. De l'espace sans ombrie, un côté assouvi et l'autre qui a subi. Souvent je remémore la vie simplement pour l'apprendre. Apprendre à vivre, apprendre à dire qu'on ne peut pas comprendre. Se contenter de peu et être pieux sans être content de nous. C'est ça sans aucun doute, se contenter de tout. Une pensée à la fois enfuie au plus profond de soi. Et c'est ça même qui en soi-même est à trouver la foi. Tu es l'inverse de nous et sachant que nous sommes mal, je suis à genoux quand tu recales ma fierté qui s'étale. J'ai pas la prétention de dire que je suis insensible à toutes les haines, à toutes les peines dont tu es pris pour cible. Mais Palestine, mais Palestine, mais Palestine, hey. J'ai pas la prétention de dire que je suis insensible à toutes les haines, à toutes les peines dont tu es pris pour cible. Mais Palestine, mais Palestine, mais Palestine, yeah. J'ai pas la prétention de dire que je suis insensible à toutes les peines, à toutes les haines dont tu es pris pour cible. Mais Palestine, mais Palestine, mais Palestine, mais Palestine, on continue le combat avec ou sans l'accord. On a des dirigeants qui ont juste l'envie de mort. Mais Palestine, mais Palestine, mais Palestine, mais Palestine. Please hang up and try again.